T'as fait tomber ta clé dans le siphon. Un truc à la guitare parce que là c'est pas attends laisse-moi trouver un truc Thank you. Thank you. Rastafari, we are there. Rastafari, we are there. Rastafari, we are there. Thank you. faranya, amana duda pasaranya, asa faranya, ora duda dana pabaya yana, asa faranya, amana yana, Africa yana, oh Africa yana, oh Africa yana. Africa, Africa, oh Africa, Africa, oh Africa, Africa, oh Africa, oh Africa, oh. Yeah. Yeah.